y a très longtemps, dans un pays merveilleux, où les forêts profondes, les falaises et les plateaux rocheux, les rivières scintillantes formaient des paysages d'une rare beauté, vivait un jeune couple. Ils s'aimaient passionnément, vivant d'amour et d'eau fraîche, et habitaient dans une superbe borie aménagée avec goût. Leur petite fille, Camomille, était très jolie et passait ses journées à courir l'aventure. Entrons. Je vais arroser les plantes. Je vais jouer à manger. À table. On arrive, Camomille, à table. Va chercher un oreiller pour ta mère. Réveille-toi. Vite. Occupe-toi-en, je vais chercher le druide. Bonjour, bonjour. Ma femme est malade, pouvez-vous venir la soigner? Marie. Merci. Le druide est là. Catal? Je ne sais point. Elle est tombée soudain de sa chaise. Qu'a-t-elle mangé? Une salade d'herbes. Je vois. Bon, je vais aller chercher quelques ingrédients pour préparer ma potion. Il me faudrait une fleur de thym, une goutte d'urine de crapaud, et trois glandes de chêne. Très bien. Mais le problème, c'est que je ne veux pas y aller seule. Je vais y aller. Très bien, si c'est pour sauver ma femme, vas-y. Mais faites vite. Le druide, accompagné par la petite Camomille, part en quête de ses ingrédients. Commençons par le thym. Où doit-on aller pour en trouver? Je sais. Nous devons aller sur une dame chaise bien sèche et bien ensoleillée. Thank you. Parfait, ma fille, tu arrives. La potion était prête? Oui. Le vénérable druide avait trouvé tous ses ingrédients. Il s'isola pour préparer le remède et prononça de nombreuses formules magiques. Quand il y eut fini, il apporta la potion à la malade. Voilà, elle est prête. Ce vénéré druide. Va-t-elle s'en sortir? Je ne sais pas si la potion va faire son effet. Thank you.